propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Encore une fois, 2 heures de bonne musique qui vous attendent. Et on va commencer avec un musicien qui, je dirais, qui est méconnu, mais très prolifique. Il s'agit du musicien ukrainien Anthony Kalugin. Un musicien qui se cache, je dirais, derrière plusieurs projets, dont Carfagan, Sunchild, Hogwash, et qui nous arrive avec un... Je pense que c'est le premier disque carrément qui présente sous son nom, parce qu'il y a quand même eu quelques disques sous le nom de Anthony Kalugin Project, mais là, on parle tout simplement de Anthony Kalugin. Le titre de l'album est Marshmallow Moon Dust, et encore une fois, des épiques. Et je suis impressionné, je dirais, là, plus qu'impressionné même par ce compositeur qui mériterait, encore une fois, je le dis, d'être plus connu. Et on va avoir aussi un groupe américain qui a pendant Stratosphérius, groupe américain qui travaille présentement sur un 4e album. Et on a un petit avant-goût ce soir, invité spécial pour cette pièce, Michael Sadler de Saga. Donc on y va avec Anthony Kalugin. Thank you.

Treasures, light, the first, they said the last. And all that memory loves the most was once our only hope to be. And all the hope adored. Ripped at the seam. It could have been so good, but you went with the flow. Now they have all gone, and you've nowhere left to go. Pick yourself up, release your hidden scream. Start again, try and rebuild those dreams. In the end, there's no one left to blame. Deep down inside was a fire you couldn't tame. Now's the time, the fire has gone out. Who's to blame? Of that there is no doubt. CKRL 89.1. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Ampli Québec, Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Édition Continuité, Alliance Arc-en-Ciel de Québec, La Baratte. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Éclatez-vous avec le clap à la maison. Profitez de notre service de cueillette au clap de Loretteville et de Place Sainte-Foy et dégustez le meilleur maïs éclaté à la maison. Passez votre commande au resto.cinemaleclap.ca. Cette fois, on va aller faire un tour du côté de la Norvège avec une nouveauté, le disque qui doit paraître d'ici quelques semaines. Le groupe a pour nom Matterhorn et l'album Outside. Après ça, ben, on va aller faire un petit voyage dans le temps. On va reculer 7 ans avec Flower King, Desolation Rose. Eh oui, l'album est paru en octobre 2013. Le temps file, il y a déjà 7 ans. Détour par l'Italie après pour Nota Bene, c'est Lacrime d'Ambra, un disque qui est malheureusement passé un peu inaperçu, paru en 2007. Et on va conclure avec Mandala, le groupe de Rhys March. Le titre de l'album, The Echoes of Your Mind, eh bien, Rhys March, un exilé qui vit en Norvège, mais cette fois-ci, pour Mandala, ben, c'est 99% britannique. Donc, M. March est quasi officiellement norvégien, mais le reste du groupe est britannique. Et ben, parlant de la Norvège, comme je vous parlais tantôt, on écoute Matterhorn. It's black and wide awake. A different kind of creature has entered state of play. In a kingdom of the great unknown, they move without a trace. Judas, he came here for the trade. They're putting all the pieces back. They're messing with his head. For those of you who hunger, let nothing be obscured. For those of you who follow me, the answer lies aboard. So Take off the blinders and I try me? Will you deny me? Will you be tempted in secret crucifying me? Will you go down with sweet angels by your side? Or slip away just like a ghost into the night? The resurrected Judas, he came here for the trade. The putting all the pieces back, they're messing with his head. For those of you who follow, let nothing be obscured. For those of you who follow me, the answer lies above. Sospetto che non sostiene mai lo sguardo, che si perde troppo spesso nelle viscere più oscure. Gentera, parla a te della gioia, un ferro comprende che la vie se degherà. Sua casa cupa, si respira il suo passato, le pareti di certo sanno quello che ha vissuto. Una vita senza pace, in conflitto con se stesso, la mancanza dell'affetto che può dare un genitore. Non posso vedere poi invece la gente illusa e ridente. Io che nulla ho avuto da questa infida vita, ti prenderò con me tra le mie braccia, asciugando quelle lacrime amare del passato. Non serve più vivere nel buio, ma stare ancora al giorno ormai, se il sole se lo vuoi. We'll be right back. nessuno potrà mai fermare la forza che sento venire da lontano. Vi voglio vedere come voglio tremare, farmi provare quel che ho vissuto. We'll be right back.

remain and to become insane. Why endure the sorrow? Why wait until tomorrow? More important things to do. Change your point of view. deeply in the ground, bearing fruits far away from falling into blank space. But I took refuge from myself in the crowded solitude. Now I dash and feel like falling into blank space. Tears from your eyes. déjà le temps de vous quitter, je vais vous invite à visiter notre page Facebook et puis à vous abonner aussi pour avoir recevoir les nouvelles concernant le prog en général. Je vous laisse avec une pièce d'un groupe qui a pour nom Greenslade. Alors là, on fait un petit clin d'œil à l'autoroute qui s'en vient avec un groupe des années 70. Ce disque-ci est paru en 1973 et il a pour titre Bedside Manor R Extra. Bonne nuit à l'écoute de CKRL et revenez-nous la semaine prochaine.